porte une robe légère, un peu de soie pour qui elle est belle, belle à mourir, belle à choisir un jour de mourir pour elle. Que sont les yeux des hommes quand les siens me regardent et ils brûlent comme un ange en enfer, comme un ange sur la terre, comme un ange de lumière, ils brûlent. Est-ce que tu m'aimeras un jour jusqu'à la fin? Un jour, mon amour. Est-ce que tu m'aimeras toujours, mon amour? Est-ce que tu m'aimeras encore jusqu'à la fin, jusqu'à la mort? C'est ce que disent les gens. Battre, je me battrai. quoi faut-il payer le droit de nous aimer et que nos pères se déchirent leurs enfants se désirent on peut pas changer l'histoire la nôtre commence ce soir et tant pis si ça Elle aime un ange À quelle étoile, à quel dieu Je dois cet amour dans ses yeux Que leur volonté soit faite Car Roméo aime Juliette À quelle étoile, à quel dieu Je dois aveugle et sourd à un grand amour d'être aveugle et sourd ah ah ah mon dieu qu'elle est drôle avec ses cheveux là elle a l'air d'un saule comme un Roméo de nous le plus beau pourrait-il vraiment tenir ses serments comme nous tous il ment

머릿속 스치면 사랑을 꿈꾸고 벼슬아치 무릎이 스치면 곱실대는 꿈꾸고 변호사의 손가락 스치면 본번은 꿈꾸고 병사들의 목덜미 스치면 목배는 꿈꾸고 온갖 꿈 다스리는 맨 여왕 맨 여왕 요정들의 여왕 망상에서 태어난 꿈 다스리는 맵 여왕 맵 여왕 요정들의 여왕 요정들의 여왕 맵 여왕 요정들의 여왕 맵 여왕 요정들의 여왕 요정들의 여왕 불티불근 그대 입술 我路过只对我 별 잠긴 내님의 두 눈 찾았네 주인 하기 시간 조절될 때에 적국지의 숨만 보고는 귀여운 파도 시통 부리며 적국지와 싸움에 내 하기 시간 조절할 때에 다리를 벌리며 남자를 봤던 신용을 하며 앙증맞게 울었죠 때가 이 분노를 삼키지 못해 아무도 복수와 원한의 뿌리 두 가문엔 무거운 벌금형을 복수와 원한을 행한 러미오는 추방을 명령하노라 천하디천한 싸움 끝에 얽힌 내 핏줄 변명도 필요 없어 탄원도 필요 없어 이 분노를 삭히진 못해 용서받을 순 없어 어둠어서 밤을 불러다오 눈먼 사람 사랑 씻기도 전에 낯을 노래하고 아침이

天的 Pops 音乐就到这里，感谢收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Que jour se couche, sans le goût de toi sur ma bouche.